a war with us. Inna the club, them want flex with us. To get next with us, them they are vex with us. From the day my bond, I ignite my flame. Can I call my name, and it is my fame. It's all good, girl, turn me on. Till I earn them on, let's get it on. Let's get it on, till I earn them on. Girl, it's good, turn me on. Girl, don't sweat it, don't get agitated. Girl, go out, rotate, girl. Anything you want, you know you must get it. From your name I mention, don't ease the tension. Girl, run the program, just go and fit it. Now have a good time, girl, free up on the mind. Cause nobody can get the man found in it. Cause you are the number one, girl, wave your hand. Make them see the wedding band, yo. Sexy ladies want part with us. Inna the car with us, them not war with us. Inna the club, them want flex with us. To get next to us, them not vex with us. To get next to us, them not vex with us. To get next to us, them not vex with us. Them not check that thing, yo. Check that thing, yo. Ça marche pour toi. Entre les bus et les vélos. Shinsekai, tu connais. T'as du Megi, maintenant t'en veux encore. Aussi convaincu que cette putain de boîte à Pandore, yeah. Si ça marche pour toi, t'auras qu'à dire, bah c'est la vie. Ça marche pour toi. Je vous présente Paris, ma ville. Ça marche pour toi. Entre les deux, c'est les Vélib. Y'a grave le choix. La vie est trop courte pour pouvoir profiter des bons moments. Si ça marche pour toi, ça marche pour Tal. T'inquiète, ta bande s'arrange. La vie est trop courte pour pouvoir profiter des bons moments. Si ça marche pour toi, cousin, c'est que ça marche pour Tal. Négro, c'est pas parce que j'ai pas de crête que je suis old fashion. Jordan, je vole ma gueule comme Michael. D'autre part, je suis orgasmique, hors d'atteinte. Oh, ta gueule, je me tape des parcs en talsum. Je porte pas plainte si je me fais fumer en tête. Je marche rein, j'ai v'là les rêves dans la tête. Je kiffe quand t'as port ma gueule. Je porte mes yeux. Shinsekai, what you been, ne vim sous le dent, ta gueule. Ah. Ça marche pour toi. T'auras qu'à dire, bah c'est la vie. Ça marche pour toi. Je vous présente Paris, ma ville. Ça marche pour toi. Entre les deux, c'est les Vélib. Y'a grave le choix. Certains m'appellent le fléau. Ou Megi Waraneo. Mon son provoque la fonce des. Je côtoie des gens blindés. Boss de la new generation. Je fais des sons comme personne. Doré, mi, fa, sol, ma. Foutez-moi la paix, j'ai pas la tête à faire la fête. Je dis foutez-moi la paix, j'ai pas la tête à faire la fête. Foutez-moi la paix, j'ai pas la tête à faire la fête. Je dis foutez-moi la paix, j'ai pas la tête à faire la fête. Si ça marche pour toi, t'auras qu'à dire, bah c'est la vie. Ça marche pour toi. C'est bien plus qu'un petit coup de pouce. Cendrillon. Bibidi, bobidi, bou. T'es foutu si je te laisse dans cette situation. Ah, plus de cadeaux. T'es l'ombre de mon ombre. Pussy cadeau. Ah. Cindy, sois pas fâché pour t'oublier. J'ai dû t'imaginer en train de chier. Regarde-toi dans la glace. J'étais peut-être le seul type qui n'avait jamais vu le Pink Paradise. Oh shit. Bye, t'es plus de la mif. On va te négliger comme l'ami d'un ami. Je devais te présenter à Karl Lagerfeld. Oh. Mais t'as merdé, vas-y, file. Tu penses à qui quand je rentre? Toi qui disais vite ta game sur un feat, mais c'est quel titre? Maintenant dis-moi qui te met la pression sur le beat. Et si tu danses, c'est que vite ta game s'ancrée, on fait un hit. Tu vas regretter tous ces moments à t'accrocher comme ça. Oh, comment regretter quand c'est moi qui décide que tout s'arrête là? Oh, tu reverras plus de mecs comme moi. Toi tu m'as prise pour une copie du roi. Je t'avais prévenu, je ne reste pas. Je t'en prie, je ne te retiens pas. Je vais finir par me sauver, sauver, sauver. Les gars comme je ne suis pas un lover, lover, lover. Je me comporte comme un loser, loser, loser. Donc je vais finir par me sauver, sauver, sauver. fans crient. Tant que la concuse bute dans les écrits, j'ai protège l'inspi, elle revient comme un frisbee. J'ai connu la hesse, connu la dèche, tendu la main et j'ai menti la baisse. Donc arrive sans stress, prends toute ta place, permet les kilomètres en faisant du surplace. Un, Muggy est le maître, Ray est l'amiral. Mais qui aurait pensé qu'on ferait m'animal? Sans prise de tête, au mic on fait la maille. Ça dans une époque où les rimes attirent les balles. J'entends mes singles repris par les oreilles froides. Pour des photos, les you voient insistent. Sur le chemin, nombreux se désistent. Tout ce que je touche vient de leur bande habita. Me demande pas pourquoi je suis au motel pour mes sisters. En quarantaine, un peu comme chez les parcs. Et les autres imbéciles n'ont qu'à faire gaffe. Hache ma gomme, sa clope et son PK. Tout donner, allez c'est mon année, c'est mon année, c'est mon année.

Ludovic. En musique, on se déhanche, on va vibrer jusqu'au bout toute la night. Jusqu'au la night. En musique, on se déhanche, on va vibrer jusqu'au bout toute la night.

it was 99 cents. I got cabinet watching, about to go and get some rocks. Well, it's passing up on those pockets, and someone else is gonna rock it. And me and Grungy fucking, and I'm stunting and flossing and saving my money, and I'm hella happy that's a bargain. Bitch, I'ma take it grandma style. I'ma take it grandma style. No, for real. Ask your grandpa, can I have a hand me down? Your Lord jump the suit and some house slippers. You keep rambling the jacket that I found. Hey, mon billionnaire, la la la la la la, pour m'acheter ce qui

mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos. Aquí todos estamos bajo el mismo sol. Jamais, jamais, ça fait comme jamais. Viens, loulou et boudin, loulou et boudin. qu'on attaque. Protest, Ani Sandeo. Protest, Medic Nadarci. Protest, Biluna Demdemo. Protest, Juna Janana. DJ Ludovic. Living like we're ready. don't know if I'ma get through. I wanna be floating in space, but I gotta stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay. Let's move again.